Voilà. L'amour est libre. L'exhaleur. La fine équipe. Ne croyez pas que l'amour est mort, c'est par amour que j'écris ça. Polygame. Je rêve d'une jolie dame, y'a trop de kilogrammes de silicone qui se lâche une infoman. L'amour c'est pas que les femmes, il a bien toutes les formes. Chacun parlera différemment, qui peut dire qui a faux. Le vivre à fond c'est rare, car la passion s'efface et meurt des gens. J'en connais pas moi qui sont morts de joie, et la fidélité ne peut rivaliser avec la confiance. Si tu veux que tes rêves se réalisent, sois réaliste. Donner c'est bien plus difficile que recevoir. Demande à Rise, la conscience fait partie du savoir. La jalousie a trompé la franchise. La tolérance a ses limites qu'il ne faut pas franchir. Apprendre par les sentiments, apprendre avec plaisir. Partager ma cause librement me rend paisible. J'apprécie ma pose et son émotion. Simplement précise et mon cœur en a les notions. Je m'imagine pleurer de joie et j'en vois rire de ma tristesse. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Parce que le cœur ne s'achète pas, il suffit juste de l'offrir. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Le profit fait souffrir et son profil se prolifère. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Le bonheur est une coquine, le malheur fait sa conquête. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. L'amour se lit dans mes textes aussi sincères qu'une solide amitié. Mon cœur et ma tête se sont liés de solidarité. 22 ans et quelque part une partie de moi m'attend. J'ai tout mon temps pendant que je vois des jeunes filles à l'été. Moi avant d'être père, je ferai le nécessaire pour que ma femme et mes enfants puissent se permettre tout. Je veux pas me réveiller tout seul, me dire qu'il est trop tard, que j'aurais dû tout donner sans faire le total. Le temps c'est une prison, il faut aimer le présent. Et moi j'essaye de le savourer, non de le mépriser. En quête de l'évasion, et ce pour tant de raisons. L'amour délivre et le bonheur est de le maîtriser. Il est à la portée de tous, le seul à être libre. Ma mère me dit que simplement il faut vouloir le vivre. Il est à la portée de tous, le seul à être libre. Et je te répète que simplement il faut vouloir le vivre. Je m'imagine pleurer de joie et j'en vois rire de ma tristesse. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Parce que le cœur ne s'achète pas, il suffit juste de l'offrir. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Le profit fait souffrir et son profil se prolifère. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Le bonheur est une coquine, le malheur fait sa conquête. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Elle m'a tout donné, m'a fait passer à côté du désastre. Ma puissance puisée dans ses yeux qui brillent comme des astres. Elle a toujours tout fait, le cœur ouvert, elle m'a tout offert. Toujours couvert, quand j'avais faux mais sans m'étouffer. M'a protégé, dans ce monde de fêlés comme il fallait. 20 ans de travail, sans se défiler devant l'avalanche. La seule criant, allez Alex ça va aller. Au bord du saut de la vallée, mon ange s'appelle Marie. Combien j'ai vu pleurer, mes erreurs et depuis je m'en veux. Chaque fois que je la quitte, la gorge serrée, le cœur fendu. Comment te remercier, ta patience, t'avouer le respect. Toujours optimiste avec le peu qu'il nous restait. Tant d'amour, de bonheur pour un si petit corps de femme. Que s'ils te connaissaient, deviendraient tous tes fans. Sous tes cernes que j'ai tracées, qui reflètent les fautes de mon passé. Je me rappelle que c'est vrai que c'est plus dur de les effacer. De ton visage doux qui m'a guidé durant ces longs virages de ma vie. Afin de vivre sage, espérant t'en voir ravi. D'où c'est toi qui m'as fait grandir, ressentir tout le bon du monde pour le chant. Ne croyez pas que l'amour est mort, c'est par amour que j'écris ça. Ne croyez pas que l'amour est mort, c'est par amour que j'écris ça. Je m'imagine pleurer de joie et j'en vois rire de ma tristesse. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Parce que le cœur ne s'achète pas, il suffit juste de l'offrir. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Le profit fait souffrir et son profil se prolifère. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre. Le bonheur est une coquine, le malheur fait sa conquête. L'amour est libre et ma mère me dit qu'il est là pour le vivre.